Je sens passer ton souffle entre mes burnes. Un truc de ouf dans la chaleur nocturne. À n'en pas douter, je devine, sans peur de me tromper, que tu seras divine. Je te kiffe, je sniff, t'es mon héroïne, ma cocaïne. Je suis pas le roi de la pop, je suis le roi de la dope. J'ai passé la nuit sous le feu nourri de tes ogives, lancinantes et vives. Malgré ma couette, je sens que ça fouette. T'as une forte odeur, mais je reste prenant. Plaisir pour les oreilles, délice pour les narines. T'as pas ton pareil pour créer les senteurs marines. Un vrai nectar sous le plumard. Une piqûre de rappel avant la selle. Méthane, si la cabine tombe en panne, il est mal, c'est la mort qui plane. Le mieux c'est l'apnée, pour pas y passer, comme le commandant Cousteau ou Nicolas Hulot. Ton propriétaire a dû manger des faillots, ou du Saint-Nectaire pour laisser un tel cadeau. Un enfoiré d'usager qui s'est oublié, laissant agoniser cette pauvre victime gazée. Coincée comme un rat sans échappatoire, elle maudit l'infâme bougeat qui lui impose le purgatoire. Cet espace confiné est un supplice pour son nez. Les CEO ARL ont un destin bien cruel. D'autant qu'en sortant, la plupart des gens le prendront pour responsable de cette odeur abominable. T'invite et te déchaîne, fais encore des tiennes. À chacun de mes pas, jouant la rumba, tu bats la chamade à grands coups de pétarade. Tu suis la mesure de mes chaussures et essaye de coller à mes enjambées. Comme un cheval qui s'emballe, qui devient incontrôlable, une mitraillette qui s'enraye et qui jamais ne s'arrête. T'en fais un refus au milieu de la rue, les bras m'en tombent, une vraie hécatombe, un cauchemar sur les boulevards. Ça va pas être joli au fond de mon shorty. Une fois dans le bus, faisant le buzz, tu lâches une buse des plus foireuses. Monter la tension, climat de suspicion, c'est l'indignation dans les places du fond. Au milieu des rangs, le regard errant, les gens se regardent en chien de faïence devant une telle offense. Mine défaite, sentiment d'horreur, ils sont pas à la fête et passent un mauvais quart d'heure. Qui a pu commettre cette infamie, se permettre cet oubli, les laissant les vides, rêvant que le bus soit vide. Moi de mon côté, je me suis déjà éclipsé, je suis à la maison, loin de l'agitation. Dans la baignoire, pour le bain du soir, je lâche mon 4 heures sur un accord mineur. Malgré la flotte, il y a une odeur qui flotte, douce et légère, délicate comme l'air. Une simple particule, une esquisse de molécule, qui remonte sous forme de bulle en guise de préambule. La pesanteur n'a pas de prise sur ce genre de Louise. Même les lois de la physique, on peut leur faire la nique. Elle est comme un papillon qui se défait de son cocon, comme une fleur s'épanouissant à la première heure. Screaming in a really fine feeling. met de bonne humeur, c'est que même à ma dernière heure, tu me feras encore honneur dans un dernier baroud d'honneur. Tu me survivras après le trépas, dans un majestueux ballet de superbes feux follets. Un feu d'artifice sortant de mes orifices, une véritable ola venant de l'au-delà. Du fond de la boîte, t'enverras encore du bois, jusqu'à que devenu solitaire, tu retournes à la terre.